Je suis en ville et à cet endroit, les véhicules en stationnement réduisent la largeur de la rue. Le croisement en sécurité avec le poids lourd est impossible. À moi de serrer à droite derrière la voiture blanche pour laisser passer ce camion qui n'est pas gêné par quoi que ce soit pour avancer. Réponse B.